C'est une usance du vendredi 7 octobre 2011. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, toute nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Dédicace au monde entier, je vous aime, mes parents, mon amour, tout ça quoi. Le résultat donc de l'AZF, l'Apocalypse Zone Fest, qui a eu un mix art mairis il y a quelques jours. Entre autres participants, on peut reconnaître Pif, Eric, Marco et tous les autres. Vous écoutez donc Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est l'émission Nuisance du vendredi, donc je le disais tout à l'heure, 7 octobre 2011 à Toulouse, France. L'Apocalypse, donc dans la Zone Fest, tout au long de ces quelques jours d'Apocalypse Zone Fest, donc à Mixart Muris avec le labo, les 15 ans du labo, donc le labo expérimental, bouddhiste, free, noise, entre autres. Avec donc un cas Tarsis, et tous les autres potes, donc salut. Toujours sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Radio Canal Sud donc a pour vocation d'établir une relation, enfin en tout cas dans nuisance, inamicale avec l'ensemble de la population humaine. Dans nuisance, je veux dire. Donc nuisance donc a une vocation de nuire, comme la nuisance même, nuit. La nuisance dans tous ses sens et établissement de règles comme destruction momentanée. Il y a aussi un établissement de fonctions bilatérales comme parallélisme. La possibilité peut-être d'une action involontaire toujours justifiée. Plutôt justifiable. Nous avons permis la croisade, nous avons permis la noyade, nous avons permis la brimade, et ce soir, dans Nuisance, le bruit. La brouillade, la brouillade bruyante. Permet tout. L'origine. C'est ça. Vous n'êtes pas encore en antenne. Oui, je sais. Que l'on sait. On n'est pas à l'antenne là. Si. Non. L'antenne est à nous. On n'oserait pas voler une parole à quelqu'un d'inerte ou d'inconnaissable. Car saignant, comme un steak doré au four. Risque d'être inopiné. Sans inopiné. Sans pine dans ino. Sans lino dans pine. Sans ino. Ino. Inoculé. Ino. Comme dans culé, comme acculé. Acculé. Comme dans gueule, ta gueule. La gueule, donc, du fourbe, que l'on broie, comme un tant soit peu, de mélasse, agglutinée au fond d'un pot. Ton pot. Ta mélasse. L'organique, ni queue ni tête. Le doigt dans le trou du fût, la main entre les deux caisses. Et le trou du cul de la caisse. C'est ça, ouais. Et toujours la possibilité incantatoire d'une inopinée irréaction. On dit ce qu'on peut. Inopiné. Opinel. C'est une obsession, hein. Allez. Sion. C'est une perversion. Une obsession. Perverse. Obsession. Une perversité obsessionnelle. Une obsession. Perversionnelle. Et donc cette obsession perversionnelle, inopinée, est ensemble. Peut-être en baissant les micros. Toujours. Peut-être en baissant les micros. Jamais. Toujours. Peut-être en baissant les micros. Juste un peu. En cramant. Juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. L'inné. Juste un peu. Les nénuphars. Non, les nénés, cramons les nénés, parce que ma maman, elle a des beaux nénés, il faut les cramer. Il faut les cramer avec du lait. Les nénuphars. L'inné. Comme le lit. Au fond d'une rivière qui coule. Au fond. Du fleuve qui coule au fond de la mer. Qui coule. Le kiki qui coule. Ça fait ça, vous savez. Ça fait le kiki qui coule, vous savez. Il n'est pas encore 10h, nous n'avons pas parlé pornographie encore dans l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2. FM, nous n'allons pas rentrer dans les détails de votre création. Pas ce soir, non. Gros dégueulasse. Nous pouvons néanmoins vous oblitérer la pensée avec un incantatoire déambulatoire et accidentel con. Ouais, c'est vrai. Qu'est votre autre? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Votre enfant est béni. Et béni aussi. Tout moins fort. Mais c'est un Larsen volontaire. Ici, j'ai appuyé sur le bouton Larsen. Il y a un bouton Larsen. Super. Il Larsen. C'est marrant ce bouton. J'adore ce Larsen. Ah oui. Bouton, je veux dire. Ah oui. Ceci est un Larsen bouton. Larsen bouton qui succède à Larsen Lupin. Qui mangeait les pépins au fond des boutons et les bonbons dans les satins. Je crois. Vous êtes sur Canal Sud, 92.6 MHz. Point 2. J'ai fait un voyage temporel. Oui, j'ai fait un voyage temporel. Vous n'êtes pas sur Radio Toulouse. Non, j'ai fait un voyage temporel. Je me suis transporté. Il y a des années. Il reste donc toujours le silence derrière ce bruit incessant donc, de l'émission Nuisance qui amène du bruit depuis des années maintenant, depuis une foultitude d'années. Nous pouvons donc parler de ce bruit peut-être ? Non. Et nous pouvons également nous taire devant ce bruit incandescent. De toute façon, ça n'avait rien de parler, il fait tellement de bruit, ce bruit que... On n'a même pas la place de mettre un petit silence ou de faire de nous à nous-mêmes un petit peu de bruit, même pas... C'est une histoire de niveau, d'équilibre. Oui, peut-être. De centre. Ouais. De gravité. Oui, la gravité institutionnelle. Très grave, la gravité. Très grave. Sujet très grave, la gravité. La gravité est très grave. Il faut pas nier la gravité de la gravité. Surtout la gravité de la gravité, moi, je dirais. Oui, certainement. Ouais. Certainement aussi. Ouais. Certainement aussi, mon cher docteur. Ouais. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Ouais. Mais ta théorie est très intéressante, parce que la gravité de la gravité... La métathéorie, elle vient après la théorie, ouais. C'est comme la physique, la métaphysique qui vient après la physique, la métathéorie... Pardon, c'est amusant, si vous ne savez pas. Là, il vient de donner un argument super intéressant pour faire développer un petit peu notre idée. Oui, notre côté organique. La faire rebondir un peu comme une balle de billard, et nous arrivons à la conversation suivante, qui est donc le sens de tout ça, le sens. Voilà, le sens, alors, Balbagramon, c'est dans ce sens. Voilà, c'est ça. Bord de rouge, c'est dans le sens. D'avant en arrière, donc d'avant en arrière, voilà. Nous avons résolu le problème. Surtout, suivant. Surtout à gauche et à droite. À gauche et à droite également. Donc nous avons tout trouvé ce soir pour vous. Ouais. Vous pouvez donc écouter et tout trouver avec nous. Sur Canal 92.2. C'est mieux que le Mandalorian. Il n'y a pas de doute. C'est clair. Si on va accoucher à droite, c'est forcément mieux que de... Là, au moins, on flotte à l'aise parce qu'on est assis sur des tapis volants à quatre pattes. Donc, oui, avec les quatre pattes. On est tranquille. Voilà, on est tranquille. Donc, on se retrouve sur Nuisance, Canal Sud 92.2. On nous entend ? Oui. On nous entend vraiment ? Ah ouais, c'est vrai, on nous entend, t'as vu ça ? Ouais, c'est génial. On peut donc parler sur fond de bruit, quoi. Mais en fait, moi, je pensais qu'on nous entendait pas. Mais si, on nous entend depuis le début, tu vois. Oui, mais je sais qu'on nous entend par moment. Mais quand t'étais dans ta boîte, je pensais qu'on nous entendait. La radio, vous et dès que tu sortais de ta boîte, je pensais qu'on nous entendait pas. Mais je sortais pas de ma boîte, en fait. J'allais juste un peu là-bas boire un verre et tout. Normalement, c'est vert. C'est vert, le bouton rouge ? Le bouton rouge est rouge, mais vous qui êtes à la radio, vous nous entendez. Mais quand c'est vert ? C'est vert. Quand c'est rouge, c'est tout vert. Quand c'est rouge, c'est tout vert. Ah ! Ouais, là, c'est vert. Vert très clair même. C'est vert Paul. Voilà, c'est un vert. Oh, c'est un joli vert. Oui, c'est un vert qui a du souffle. C'est un vert qui a du souffle. C'est un vert qui pète. C'est un vert qui pète. Un vert qui pète, voilà. C'est donc ça. Voilà. Donc route, je me présente, salut, moi c'est Bob. Et c'est donc toi qui fais l'émission en Nuisance. Ouais, c'est ça, c'est moi. Super. Ah, tu ressembles vachement à Bob Marley. Ouais, c'est ça, t'as des locks et tout, putain, t'as la barbe. C'est moi. T'es un vrai, tu ressembles d'un sosie black. Ouais, c'est ça. Tu vois, avec les je ne suis pas le doyen quand même dessus. Tu as une robe de toutes les couleurs, on le voit. Je m'appelle aussi Fred dans une autre vie. Télé. Oui, Fred, oui, c'est vrai, Fred. D'ailleurs, je t'ai connu dans une autre dimension, c'était sur le jeu en niveau 4, je crois. Ouais. Et Fred, vas-y, parle-moi de moi, s'il te plaît. Mais tu avais des tas de villages et tu devais conquérir les villages abandonnés à côté. Et puis, c'est ça, c'est moi, conquête. De l'autre côté de la carte. Rêve, vie, gloire et animosité aussi. Voilà, amour, gloire et beauté. Ouais. Et pourquoi t'as pas d'accent alors que t'es vraiment black, excuse-moi. Parce que je suis reggae-man, les reggae-man, ça apprend toutes les langues par mystique réaction, tu vois. C'est vrai qu'en fait tu parles espéranto et nous on entend en français parce qu'on parle français, mais quelqu'un qui parle espagnol, par exemple, t'entends en espagnol parce que là en fait tu parles espéranto et donc chacun t'entend dans sa langue. Mais là je parlais pas là, enfin sauf à l'instant, je veux dire. Juste à l'instant, tu parlais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, sans problème. Tu veux que je dessine ça sur le mur avec un symbole et tout, tu vois. Ah ouais, ça apparaît d'ailleurs. Tu vois apparaître le symbole divin, quoi, tu vois. Là, on le voit et... On le sent, ce symbole. Ah, c'est clair. Oh, quel symbole. Chers auditeurs, vous seriez à la télé au lieu d'être à la radio, vous verriez sur la vitre du studio qui se matérialise la forme inconnue et incongrue de... Oh mon dieu, qui était-ce ? Était-ce Superman ou Supergirl ? Ou Superwoman ou Superboy ? Non, qui était-ce ? Était-ce quelque chose d'innommable ? Ouais, on se le Oui, toujours innommable. Oui, c'est toujours innommable, oui. C'était une zézette. Une zézette, c'est innommable ça, une zézette ? C'est la station de la Zézette. Vous êtes sur le métro en direction de Bordeaux-Rouge. J'allais développer, mais en fait... Et on va crever dans la merde. Avec l'âge, il y a une sorte de pudeur et on n'ose plus... Non, parle-moi de pu et de réaction allergique au pu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une nana dans l'histoire, donc faites un petit peu attention à vos réactions allergiques. Oh mince, sous-cutanée. Ouais, cutanée, tout court. Alors à ce moment-là, si on parle de cutané, je préfère éviter la situation incantatoire, comme je disais tout à l'heure. Car mon cul est bien où il est. L'épaisseur de la peau. Sur des chaises. L'épaisseur de la peau canal sud, sur la chaise. Sur plein de philosophes ont cherché la vérité. Et ça... C'est amusant parce que ça fait partie d'une vérité de dire mon cul est bien là où il est. Il s'ouvre. C'est le fondement même de la réalité. Nous sommes assis sur notre cul. On ne peut pas le juger. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le modifier. Il est là. C'est luisant. C'est une vérité. L'émission qui passe tous les vendredis de 23h. À 23h. Tous les vendredis, de 21h à 23h. C'est l'horreur. De 21h à 23h, c'est l'horreur. Ouais. C'est la merde. C'est à chier. Non. Et on va tous crever. Oh non, mon frère. Non. Mon frère. Il y a la tête de Bob Marley. Yes, we gotta live. Yeah. All the life is just before your eyes wide. Open your eyes and you see your life and you say, oh yes, this is the life. Oh yes, alléluia. Yeah. It's the end of the world. The world is already over. The end of the world is overing over and over again, as it's overing over the end of the world. Yeah, over. Let's speak English. I love to speak English. Can you talk English? You can speak English. I can say whatever I want in English. Yeah, me too. I can say yes. I can say no. I can say please. I can say oh shit. I can say what kind of music do you really like? Is it really noise? Are there other music you like? I hate music. You hate music? I love death. I love noise. I love hate. I love rot. I love pus. I love cum. I love supreme. I love shit. I love fuck. I love death. I love shit. I love fuck. I love cum, I love pussy, I love fuck, I love shit, I love cum, I love pussy cum, shit, fuck. But you make music, so I shit and fuck my cum music, fuck piss, shit, fuck, ass, and shit, fuck. Okay. Oh, so let's stop speaking English. Let's speak English. I love English. I can say piss and cum. Donc 3615 cum, C-U-M. No, it's asshole, not cum. Let's speak English. It's like my ass, it's a hole in my head. I don't really like to be in your head. No, you're not an ass, you don't have to be in my head. No, my ass is in my head. Yeah, your head is your ass. My head is not my ass, my ass is in my head. I'm not crazy, crazy. I told him the other day, je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit mon frère, s'il te plaît, il m'a dit non. Alors j'ai pris la volonté, j'ai pris l'abscence, j'ai pris la réalité et l'irréel aussi. J'ai tout pris. Je me suis servi. Merci frère. Merci mon frère Sarkozy. Papa. Je t'aime. Parlons de haine. Ouais, chouette. Ça dépend. Ça dépend quoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de toi. De moi aussi. De ta haine. Ou de la haine, d'elle-même peut-être, une haine. Parlons d'une haine. Parlons d'une haine. Ouais. D'une haine en particulier ou en général. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire d'une haine, quand je dis. Laquelle? Ben, d'une haine fétide, par exemple. Laquelle? Particulier. Non, on parle du général cette fois. Ah ouais? Ouais, parce qu'on procède par incohérence. Non, mais justement, moi je suis pas forcément. Blasphématoire? très incohérente, au contraire, je suis plutôt logique. D'accord, c'est la raison logique, résonante de notre instinct humain qui fait l'ordre dans nos réactions. Moi, je parlais de chaos originel, sommité de l'incantatoire. Je sais pas, moi je vais pas aussi loin que ça. Mais justement, le but c'est d'aller le plus loin possible. Non. Ton but. Ah bon, d'accord, pardon. Bah, parlons de mon but alors. Parlons de ton but. Alors, c'est quoi ton but? Non, sur la haine. Ouais. Comment discuter de la haine? Voilà. C'est ça la question? À deux. À deux ou à trois? À trois. Ouais. À trois. Eh ben, calmement. On peut discuter calmement et passiblement de la haine. Je sais pas trop ce que ça veut dire passiblement, mais... Si, c'est bien. C'est bien d'inventer des mots. Ça s'appelle des néologismes. Oui. J'adore. Oui. Ouais, des onomatopées aussi. Création de mots. Néologisme, c'est quand tu trouves pas le mot adéquat et que tu arrives à t'en inventer un. Normalement, c'est reconnu par la langue française après. Ouais. C'est nouveau, quoi. Néo, c'est nouveau et logisme, je sais pas, logique. Néologisme. Inventer un nouveau mot. Toi, si... Ah, que mets, ouvre les yeux, voile. Et donc, voile, voile. Si toi tu devais introduire un sujet oui. Comme la haine. Une haine, on avait dit une haine. C'est moins particulier, c'est moins défini, tu vois. C'est une haine, quoi. C'est comme on et il, tu vois, c'est ou elle. Ouais, mais je trouve ça génial parce qu'en fait, t'as proposé ça juste après qu'on ait parlé un peu de Sarkozy. Non, t'as dit amour à un moment, t'as dit I love you en anglais, c'est pour ça que j'ai dit bon, parlons de la haine, quoi. Parce que l'amour, tout le monde en parle, c'est chiant. Tu vois, c'est tout. Genre, moi j'ai le droit de parler. Oui, oui, donc, oui. Tu as le droit de parler. Qu'est-ce que je déteste? Oui, oui. Voilà. Tu es. Quoi. Toute petite personne que je suis, c'est intéressant de me poser la question. Comme tout le monde, il y a des choses qu'on déteste. Alors, ce que je déteste, premièrement, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est Le Pen. Le pénis? Le Pen. D'accord. Cette personne. Pardon. Cette personne dégueulasse, ignoble et vraiment laide. C'est tout. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est lui. D'accord. Et pourquoi c'est un lui et pas une elle que tu détestes le plus? Parce que aujourd'hui c'est Marine Le Pen, mais aujourd'hui moi j'ai 30 ans, donc j'ai vécu avec Le Pen toute ma jeunesse. Donc c'est juste la descendance. Mais c'est pas elle la pire, c'est lui qui l'a créé ça. C'est elle suit son papa qui a tout fait avant, quoi. Mais c'est lui le pire, c'est... Je sais pas, je maîtrise pas le sujet de la politique, moi je parle plutôt de façon imaginaire. Imaginative. Non mais tu me demandais la haine. Oui, je comprends, une haine. Alors une si haine, je devais avoir la haine de haine, Le Pen. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... Mais non, je veux même pas en discuter davantage. Ah, tu m'as juste demandé une haine. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est lui. Voilà. Je sais pas, moi le premier truc qui vient à l'esprit c'est moi, tu sais. T'as pas de chance alors. Bah si. Si t'as de la chance, t'as encore envie. Ça se fait la chance. Pourquoi tu dis ça, t'es grave, t'as. Parce que c'est logique. C'est logique. Tu te détestes toi? Non mais la première personne que je hais, c'est moi, tu vois. C'est pas les autres. Ah non. Ah bon? Moi c'est plus logique que je me haïsse moi-même plutôt que les autres. Pourquoi se haïr? D'abord, au départ. Pourquoi haïr les autres? Pourquoi la haine? Pourquoi la haine? Se protéger parce que on a voulu aimer. Moi je déteste haïr, donc si je devais me détester, je détesterais tout court vivre. Non mais vu que tu es, vu que tu haïs, quoi, je veux dire, eh ben tu dois te détester, c'est ton devoir. Mais tu vas te détester. Non, c'est ton devoir parce que c'est ton devoir moral, éthique, de te détester toi autant que tu détestes le reste, que ce que tu détestes pour le plus. Pour moi par exemple, je déteste Le Pen. Et je ferai tout dans ma vie pour pas lui ressembler. Ouais, comme c'est ce à d'autres dire. Personnes. C'est que ma façon je de déteste. Le dire. Non, mais il y a des personnes que je déteste, autres évidemment que ce mec-là. Mais je ferai tout pour ne pas lui ressembler, donc jamais je vais me détester. Non. Bah, non, ouais. c'est, en plus, c'est dommage de se détester. Il faut s'aimer d'un côté. C'est dommage de se détester quand on est aussi gentil, moi je dirais. Alors il faut se détester d'un côté. Il faut, il faut s'aimer d'un côté pour pouvoir se détester, pour pouvoir changer, pour s'aimer encore plus. Bon, après, voilà, éditeur, blablabla. Après, il faut recommencer encore une fois. et une autre fois encore. Mais toi, tu te fais du mal, t'aimes bien ça, j'y peux rien. Moi, j'aime pas trop me faire du c'est mal. C'est pour pouvoir moi. Changer, je te parle du mécanisme du changement, la sublimation. Je change, hein, la sublimation. Mais j'ai pas cette technique-là pour changer, ouais, moi. Pas. Je passe pas par me détester pour changer. Ah ouais, moi je déteste mes facettes qui ressemblent aux facettes que j'aime pas chez les autres. Je déteste les facettes que j'aime pas chez les autres, tu vois. Ça, chez c'est, moi. Ça, c'est courant. Tu vois. Donc, je change. J'élimine ces facettes au fur et à mesure de l'élimination. C'est l'élimination pure et simple. Mmh. Non. C'est genre. Chacun procède à sa manière. Hein. Qu'est-ce que tu veux. Je vais pas t'apprendre la vie. T'as quel âge Pour l'instant, j'ai encore 49 ans. Et le 17 novembre, je l'annonce à la radio, j'aurai 50 ans. Voilà. Donc il a 20 ans de plus que moi, mais je vais pas prendre la vie. Puis même une, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, mais même une nana qui aura 10 ans moins que moi peut m'apprendre des choses, mais bon, même. Blablabla. Ouais, voilà, blablabla. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux dans 10 ans. Je veux du blablabla. Je veux du blablabla. Je veux des trucs, on en a rien à foutre de ce qu'on dit. Parce que finalement, on est là, on nuit. Qu'on veuille ou non, on nuit à quelqu'un ou quelque chose. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Quand je parle, j'essaie d'être un petit peu logique. Mais si, t'es comme ça. Toi aussi, tu nuis à quelqu'un dans la vie. T'as dû faire du mal ou peut-être t'as juste nuit, quoi. Juste en nuit avec un regard ou parler à quelqu'un mal. Quoi que ce soit, une faute, quoi. On a tous nos fautes. Et quand on a fait nos fautes, on a nuit à quelqu'un. Et quand on nuit à quelqu'un, eh ben, je crois que c'est là que ça devient intéressant. La vie devient intéressante. Oh là là, t'es malsain, toi. Non, je suis pas malsain. Non, parce que justement, on peut changer, comme tu dis. Moi, c'est quand je fais du bien aux autres que je me sens bien. Quand je trouve que je suis en adéquation. Si t'as pas la valeur d'avoir fait du mal à quelqu'un, tu peux pas changer et faire du bien après. C'est pas du vrai bien. C'est du bien parce qu'on te l'a dit de faire du bien. Non ? Ah, c'est. C'est vrai. C'est pas idiot. À un moment donné, c'est pas vrai, idiot. C'est vrai ce qu'il vient de dire. C'est comme ça que je l'entends, mais bon, c'est personnel et ça n'engage que moi. Mais c'est comme ça que je l'entends. C'est la possibilité de retrouver en soi-même la valeur. C'est comme ça que je le dis. Hein, de la vérité, La vérité, je ne sais pas, mais subjectif. La vie, une certaine perception qu'on peut avoir personnellement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ouais, mais je dis ça. Ouais. Moi, je dis que la vie, c'est subjectif. Vivre, si tu considères le verbe de vivre, c'est subjectif. Tu peux pas être objectif sur la vie. Mais tu peux pas dire il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. Non, subjectif, c'est ça, t'arrive et tu peux rien y faire. Quoi. Subjectif, t'es sujet. Si t'es sujet, tu vis. Voilà. Et si tu vis, effectivement. Voilà. Même par le sens des mots subjectifs. Donc, si on approche. Sujet, donc t'es subjectif. On approche une pensée plutôt synthétique qu'analytique. Ouais, c'est ce que. C'est très intéressant que t'en parles parce que c'est ce que. Jung appelait une pensée synthétique et constructive, c'est-à-dire qu'en fait il ne partait pas comme l'idée de Freud uniquement d'une analyse causale, il y aurait le passé qui amènerait le présent, mais aussi d'une analyse autre vers le futur, où le présent porte en germe l'avenir, et non pas voir uniquement, voir aussi, mais ne pas voir uniquement que les causes. Voir aussi le sens que ça a vers une sorte de finalité donc, de la vie. Si tu regardes, la vie entraîne la mort, la destruction donc. Et donc la désagrégance, la désagrégation du sang, la destruction du sang par exemple, c'est un moyen d'atteindre le nouveau, c'est la destruction de l'ancien. Tu te repars à zéro en fait, ou tu repars avec les bases que tu as. En détruisant un petit peu, tu désagrèges un peu. C'est ce que tu fais avec ton sang là d'ailleurs. Par exemple. Tout à fait. Et donc ça s'appelle. C'est pas ça la sublimation, je sais pas, moi je pense à ça en ce moment. Vous êtes sur une exposition sonore de nuisance sur Canal Sud 92.2 et c'est le vendredi à partir de 21h et c'est excellent. 92.2 animé en temps réel par l'émission de Bernard se déroule à la même heure au même lieu et dans un espace sonore différent. Canal Sud, tous les vendredis. Bien sûr, les autres jours aussi, mais tous les vendredis, à partir de 19h. Écoutez, Canal Sud. Canal Scud. Toute la nuit. Toute la nuit, écoutez Canal Sud, alors amusez-vous. Appréciez la pop, le rock alternatif, le rock français de Canal Sud. Donc je disais la pop de Canal Sud, le rock alternatif. La pop de Canal Sud, yeah. Le rock, c'est le rock Madonna, pop. Madonna, Prince, yeah, yeah. Canal Sud. Tous les tubes. Ouais, écoutez, Phil Collins. Genesis, on a tout. Phil Collins. On a toute l'intégrale et en double. On va être sûr de l'avoir en double. On l'a mise en double. Deux fois par mille. On tape. Et aussi Pink Floyd, beaucoup Pink Floyd. Et aussi Bossa Nova, de la Bossa We Nova, on a aussi. Girl from Ipanema. Girl from Ipanema, en même temps, tout ça en même temps. Vous aurez un brouhaha incessant sur Canal Sud pendant le reste du temps parce que j'ai piraté l'ordi. Vous avez 6 mois de brouhaha incessant toutes les nuits devant vous. Amusez-vous. Oui, j'ai piraté l'ordi, j'ai réussi. Vous êtes dans la merde. J'ai atteint le point ultime, l'Eureka, l'acmé. Le point culminant de toute démarche transcendantale. J'ai piraté, piraté l'ordi des pirates. L'acné là, ça fait vraiment. Oui, j'ai acméisé Canal Sud. Je suis Al. J'en ai plein partout. Je pirate les pirates des ondes en piratant la piratance du pirate piraté. Piratons les pirates. Yeah. Piratons. Oui, crevons oui, les abcès oui. Purulents. Plein de pu dégueulasse. Crevons les furicles. Les furoncles, pardon, turgescent et culminant. Et plein de chiasses. Puantes. Dégueulasse. Ah, ça pue ici, c'est une engeance. C'est la grosse merde dans les studios, il vient d'avoir une recrudescence de pisse et de chiasse dans les poubelles, donc ça pue la bière, c'est la merde. Les toilettes ont pété, tout est sorti d'un coup, c'est immonde, on est submergé. Et on a la mousse monte jusqu'au plafond du la studio. La vague. Je vous parle actuellement, je suis sous l'eau, n'est-ce pas? Dans avec un sous la merde. Sous la merde. Avec... Sous la fange. La fange réelle de l'arrière. C'est incroyable. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image. De la récurrence même. Vous êtes en direct du Japon, nous sommes ici Radio Tokyo. Et là, les voitures volent. C'est chaud à Tokyo. Si j'avais su, je serais pas venu. Ça va être chaud pour entrer en métro. Faut choisir quelle aile. Quelle aile. Quand... J'entends rien de ce que vous dites, quoi. On peut parler plus fort si vous voulez. Nous sommes dans l'espace. À Tokyo. Et nous vous parlons depuis l'aéroport intersidéral de Tokyo. Nous vous annonçons de graves perturbations sur la chaîne d'astéroïdes en direction de Jupiter. Jupite-moi le Terre. Oh oui, vas-y, jupite-moi le Terre. Oh mon grognard. Poil derrière. Donc, la comète approchée de la planète à une vitesse approchant celle de la lumière et du son multiplié l'un par l'autre. Non, tu vas trop vite. Vas-y, fétiche-moi le berge, vite. Non, mais là, il va se cracher. Il est rétrofusé, vite. Attention. Ouais, on atterrit, il est rétrofusé. Atavisme. Atterrissage réussi. Forçons pas la chose. On va fêter cet atterrissage réussi. N'oublions pas, le bonheur n'est pas de ce monde. Oui. Toujours l'éternité devant nous. Avec ce minibus là sur Jupiter, on va fêter cet atterrissage réussi. Avec les cyclopes à trois pattes. Oui, exactement. Et donc... C'est quoi les cyclopes à trois pattes? Tu me parlais de tes amis les cyclopes? C'est qui les cyclopes? Ah ouais, les cyclopes. Là, où il a atterri, là. Ouais, on a atterri à Mars ou genre Attax, quoi. Voilà, oui. Donc, voilà, quoi. Et C'est le résident de la planète, quoi, c'est ça. J'espère que t'enregistres. Ouais, c'est enregistré. C'est un moment d'autologie. Oui, les habitants de la planète. Ah, ouais. Les résidents, c'est carrément les autochtones, quoi. Les cyclopathes, oui, voilà, les autochtones. Les cyclopathes trois pattes, ouais. Les... Donc, voilà, quoi. Les aborigènes, quoi. Les primitifs, mais... On va revenir à des rides. Après le riz de veau, le riz de meuf, c'est quoi? Donc, voilà, j'ai rien compris. Il y a trop de bass dans mon micro, fait chier. C'est pour ça que je suis parti là-bas. Qui c'est qui est là-bas? Mais on les reconnaît tous, hein, les cyclopâtres. Les cyclopâtres. Donc voilà, vous êtes sur la suite de 92. C'est noté, c'est noté. Chou, hop, hop, boum. Voilà. Chou, hop, hop, boum. Chou, hop, hop, boum. C'est sympa la contribution. Chou, hop, hop. Merci. Ouais, je sais. Donc, le premier vendredi de chaque mois, à Canal Sud, il y a le vernissage d'une exposition. Et ce soir, c'était une exposition. Ouais. Réussie. Avec les œuvres de Flora. Voilà. C'est son nom d'artiste. Et, Norsandam, je crois. Je vous invite à regarder le book. Et alors, regarder les tableaux qui sont 40 rues. Parce que moi, je suis moi-même. Ah, tu es toi-même super, super. J'ai exposé deux fois ici. Donc, je peux faire une super promo parce que le lieu est génial, excellent. C'est clair. Les soirées et les vernissages sont vraiment très, très bien. C'est réussi, il faut dire. Et puis, après, tout ce qu'on. Ça dépend de l'artiste. Après, il y en a, ils participent davantage, moins et tout. Mais c'est un lieu libre. C'est le principal et c'est une très très bonne ambiance et c'est chaque premier vendredi de chaque mois et à chaque fois c'est super. Des fois il y a moins de gens, des fois il y en a plus, mais c'est vraiment une occasion de rencontrer des gens sympas, voilà. C'est clair, des artistes. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit, bien au contraire. Mais non, mais on voit que l'ambiance est chaude, la canale, là, c'est bien. Donc c'est tous les vendredis, le premier vendredi de chaque mois, ouais. Faut venir là, il faut venir voir l'expo, faut venir voir le book là. Ouais, c'est un vrai hall de gare ici. Ah ouais, c'est incroyable là, il y a 3000 visiteurs je crois cette année. Il y a un train qui arrive, dans l'avion. Bah ouh gars, ça c'est une voiture qui passait, le taxi, je vois le taxi-man, taxi-woman. Numéro 4387 est annoncé. Ah, monsieur, vous avez vos papiers? Vos papiers, monsieur. Monsieur, vous allez où là, vos papiers? Si je veux, c'est vos papiers, monsieur. Monsieur, vous allez où, Didi? Il est mort! Il est mort! Je suis ma merde! Il est mort! C'est mon premier chef! C'est mon premier! Je suis fier de moi! Je suis fier de moi! Merci, chef! Merci, vous êtes vraiment merci! Merci! Allez, c'est bon, vous embrassez, chef! C'est la première fois que je vois un cœur normal à vie! Aïe! Allez-vous-en, petite. Un peu de nature. Nous allons mettre des bandes d'oiseaux qui chantent dans la gare maintenant. Ah oui, je veux bien. Oui, oui, oui. Oui. Et tiens, petite demoiselle, un nounours. Tiens. Mais c'était quoi le truc qui battait encore là, avec du sang à côté? Ah, c'était le cadavre. C'était le cadavre d'un sale romain ou tu vois ce que je veux dire, quoi. Un SDF, un punk à chien. C'était un punk à chien. Il y a son chien qui le mange, tu vois. Donc c'était comme un. Ça c'est son chien qui le mange, tu vois petite. Ouais, je vois bien. Oh ça va alors, c'était pas un être humain. Non, c'était un truc, un machin, tu peux dire à tes parents. C'est pas un être humain, non, c'est un machin, un truc. Tu leur diras, et tu diras, c'était bien, les policiers, ils ont fait une bonne œuvre, ils m'ont protégé du machin. Un truc dégueulasse, c'est ça? Tu peux dire ce que tu veux, maintenant tu es libre de dire. Tant que tu dis truc, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, tu peux le qualifier d'autant de qualificatifs que mais tu je veux. Je suis choquée quand même, il y avait du sang, il avait l'air de ressembler à... Mange un sandwich, c'est comme à la prise de sang, tu sais, ta mère, elle va à la prise de sang, on lui donne un sandwich à la fin, bah tiens, un sandwich, c'est bien. T'as vu du sang, et bah t'as le droit au sandwich, voilà. Bah il nous ressemblait quand même, le mec là-bas, il ressemblait à toi un peu, il était grand comme bah, toi. Bah on verra après l'autopsie. Allez, petite enfant. Allez, innocente. Moi, je vais retrouver ma corde à sauter. Je m'en voilà, vais. C'est ça. Ouais. Voilà. Et une petite histoire, une comptine, donc. Une autre fois, peut-être. C'est quoi, dis-moi. Ça y est, je suis revenu avec ma corde à sauter. Reste avec ta corde à sauter là-bas, avec ta luge et tout, dans la neige. D'ailleurs, fais gaffe, ça fait froid. Ça gèle. Balance, c'est quoi ton point? Moi je suis pas un petit, moi je suis un moyen, moi je suis, j'ai 13, 14, 15 ans moi dans ma tête. Ah, tu vois. Bah, t'es grand quand même, moi j'ai 8 ans. Moi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors du coup, moi j'ai commencé à dire des saloperies, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Genre merde quoi, des grosses merdes et tout. C'est pas bien, faut pas dire ça. La purulence et les pustules et tout, tu sais. Et les furoncles aussi, plein de furoncles, ouais, culminants comme je disais tout à l'heure. Et la surgescence, on peut l'oublier par contre. Oui, bah à qui tu parles? Donc, ah ça y est, t'es revenue, t'es schizophrène. T'es une petite fille de 8 ans dans ta tête et aussi une adulte de 30 ans. Oh mon dieu, tu es une killer, une killeuse. Tu vas killer tout le monde ici. Ouais. Ça craint. Non merde, j'ai des témoins. J'attendrai le mois prochain. Tu veux une clope, petite fillette? Ah j'adore les GPS. Ouais moi aussi, c'est pour ça que j'ai acheté des GPS avec du GHB dedans. Tiens, il y a du GHB dans mes GPS. Hein. Tu sais pas ce que c'est, petite fillette innocente, du GHB dans mes GPS. Ça se verrait, hein. Oui. J'espère. À mon avis, tu gaspillerais pas ça avec moi. Il y a d'autres nanas, ce serait plus facile. Donc, je gaspillerais ça avec notre ami qui fait du boom chak depuis tout à l'heure, qui a le courage et la patience de faire du boom chak depuis tout à l'heure en permanence. Mais il a pas le courage ni la patience, il a envie. Il a envie et la patience et le courage oui, aussi. Oui, oui, ben oui. Non, oui, parce oui. qu'on s'arrête quand on en a marre. Ah oui, c'est clair que là. Et là, tu viens de l'arrêter, t'es con. C'est toi qui lui as fait un geste, c'est genre d'arrêt. Grave. C'est toi qui lui as fait genre arrête. Arrête, toi t'as fait arrête. Oh, moi j'ai fait non. Ça va non. finir en tuerie. Non. Ça va être de la tuerie. Oh, non. Alors, tu disais quoi? Tu disais quoi? Quoi? T'as dit quoi? Vas-y, on parle pas de ça maintenant. On n'a pas ça à faire. On va parler de mort et de cadavres. Hi-ho. Ça y est, on a un craquage en public. Mon dieu, j'ai horreur quand ça arrive. La tête de ce pauvre homme a donc craqué et tout est partout. Quoi. Et on était deux et donc ça tout se touchait. Il n'y a plus que la bouche qui est vivante en fait. Mon cerveau a explosé sur le mur. C'est ton cerveau qui explose. Il n'y a que ma petite mâchoire là. Moi, je ne fais pas partie du tout. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Moi, je ne suis qu'un vermisseau. Le reste est explosé. Ah, c'est ton cerveau à toi qui. Oui, oui, oui. Ah, je savais pas. Tu vois. Ouais, je voyais tous les machins partout, mais je voyais pas exactement à qui ça appartenait. Mais faut dire, je vois pas grand chose moi. Enfin, je suis un peu comme notre ami, donc mon ami, tu vois. Et donc je voilà et donc à part ça crever peut-être l'abcès quoi. L'abcès d'un sens purulent toujours. Nous restons sur les relents fatidiques. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Pardon. Aïe, c'est du mal aux oreilles ça. Grand. Yeah, I can. Ouais, vas-y, sors-toi toi-même. Je te jure, voilà. Tu aurais parlé de ma mère. J'ai pas parlé de ta mère, j'ai dit sors-toi toi-même. Tu vois, vas-y, sors-toi. Oh, tu parles pas comme ça. Parce que je te jure, tu vois quoi, là, il y a un mètre, quoi, qui nous sépare, quoi. Tu parles de ma mère. Je t'ai pas parlé de ta mère, je te dis sors-toi toi-même. Comment tu me parles? Moi, c'est un truc mais de dingue, quoi. Je te jure, tu parles pas de ma mère, quoi. Il n'a pas parlé de ta mère. Mais je peux parler de ta mère, maman. Je te vas-y, comment tu me parles, tu sais. Eh, comment tu me parles, comment tu me parles. Moi, je te connais. Comment tu me parles. Comment tu me parles. Comment tu me parles. Pas de ma mère. Comment tu me parles. Comment tu me parles. Comment tu me parles. Comment tu me parles. Comment tu me parles. Comment tu me parles. Par Visigoths, Ostrogoths. Où sont les noyades, les nausiqueux et toutes les brimades. Les bruyantes, bruyantissimes, les fatidiques, incandescentes et lamentables, dessine-toi, toi-même, toi-même, toi. Est-ce que je peux te dire un truc un peu subversif peut-être? Mais non. Ah non, ça craint quoi. On n'est pas une radio subversive, on est une radio commerciale et on vend plein de trucs. Donc, voilà. Tu veux vendre quoi, du savon? Non, calamité, c'est ça? Tu veux vendre des calamités? Il n'y a pas moyen. Moi, je ne vends pas de calamité, je ne vends pas de ça. Moi, je vends que de la merde. Non, pas du tout, pas du tout. Je vends que de la patate. Donc, est-ce que je peux parler? Pas du tout. On est sur Canal Sud et c'est excellent. Oui, tu peux. Je le dis. Je crois. Je le dis. Quelqu'un est là pour dire le contraire. Je le dis. Non. Personne n'est là pour dire le contraire. Non. Il y a quelqu'un là pour dire le contraire. Non. On est d'accord avec toi, mon frère. En fait, je pensais au fait. C'est excellent. Yeah. Je pensais au fait. Parle pas de ma mère. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y alors. Ça, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai pas forcément eu des rapports super simples avec ma mère, tu vois. Mais ça me dérange pas qu'on me dise ta mère, je m'en fous quoi, tu vois. Et même mon mari, quand il parle de ma mère en négatif, j'écoute, mais je me vexe pas pour ta mère, comme si c'était. Alors qu'ils respectent pas leur mère la plupart du temps, même moi je l'ai pas respecté plus que ça. Et il dit, allez, parle pas de ma mère. J'appelle ma mère par son prénom. Mais non, mais ma mère, ta mère, depuis mon enfance. Idiot. Et non, mais il y a plein de gens comme ça. C'est, genre, dès que t'approches le truc familial, là, il se barre en gris, le gars, quoi. Alors que, qu'est-ce qu'il fait pour... J'appelais toutes les femmes maman quand j'étais gamin. Mmh. Donc on m'a dit, appelle ta mère comme... Si moi, j'avais la question maintenant. J'ai dit mon point de vue. J'ai obéi à mes parents. J'étais bien, j'étais un gamin bien, moi j'étais un bon gamin. J'étais un gamin obéissant, moi je me souviens, j'étais un gamin obéissant, vous entendez? Vous entendez, j'étais bien, j'étais gentil. J'étais gentil toute ma vie. J'ai aimé tellement mes parents. J'ai aimé mes parents tellement qu'ils m'ont frappé, ils m'ont tapé, ils m'ont pris, ils m'ont volé mon corps. D'accord, donc quand t'as entendu Al, tu souffres énormément. T'as un problème encore aujourd'hui qui n'est pas résolu. Ouais, j'ai un problème mental. Voilà, Al, il n'y a pas de souci, on reviendra à toi. On va tâcher de trouver une solution. Ça te fait marrer, mais t'es vraiment cruel. Hein. T'es quand même incroyablement cruel. Tu te rends compte de ta cruauté? Ouais, c'est ça. Tu veux... Bah vas-y, Patrick, à toi. Canal Sud 92.2. Oui, nous sommes sur 92.2 FM, canalsud.net. Nous avons environ encore une demi-heure à tenir avant la fin de l'enfer, car ceci est vraiment l'enfer. Non, en fait, c'est pas vrai, c'est le paradis. Non, en fait, c'est... C'est la merde, c'est la grosse chiasse, c'est pourri, c'est vraiment à mourir. Et il faut crever tous ces abcès purulents, quoi. Oh oui. Vous êtes sur... Encore et encore, crevons les abcès purulents. Canal Sud, mais Canal Sud, c'est 92.2 MHz. Bon. C'est 24h sur 24, 7 jours sur 24h sur 24, vous aurez cette merde tout le temps sur cette émission Nuisance. C'est une émission qui tourne 24h sur 24 sur le web, vous pouvez la trouver sur canalsud.net. C'est vrai ? Non, en permanence, vous pourrez trouver Nuisance, tout le temps, toute votre vie. Vous nuirez à vous-même. Oui. Respirez, vous pouvez encore le faire. Profitez-en. Vous pourrez bientôt ne plus respirer. Vous serez libéré de la respiration en mourant, en déféquant sur vous-même et en vous pissant dans l'anus aussi. Et également les pustulences et les purulences éclateront. Et vivement cette période joyeuse et gaie, quoi. Et de la mort incandescente toujours. Flamme, vive l'amour et la montagne sacrée. Elisa, saute-moi au cou, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux en France, bien tes ongles. Elisa, donc tes doigts délicats. Elisa, dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, les autres s'en foutent. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nu, t'es 20 ans, mais 40. Si tu crois que cela me tourmente, allons vraiment, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa. Je m'asseoir. Je m'habillerai en sky pour toi, en vinyle, en latex, n'importe quoi. Et je t'aime long. Tellement que je me pèlerai les yeux avec les dents. Oh, c'est trop beau ça. La cruauté n'est pas de ce monde. C'est un amour de vacances, une histoire sans nom de... Et à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin. Les yeux bandés dans l'anus, dorés au four de la limace crevée, ouais. Tous les mercredis après-midi, où je me souviens qu'il y avait des enculeries. Et des merdes, de toi, de la merde, toi, de la merde, toi, de la merde. Ce tricoter je t'aime pas, tu n'es qu'une sale rature. Je t'aime vraiment, toi, du alternative. Tu pues de la gueule, tu manges dans la bouche, tu pousses dans la nuit. J'ai vu dans le ciel une mouche à mieux. L'onde qui résiste par la puissance de l'inertie. L'onde ainsi. Pour l'espérance. Et donc il suffit d'un peu. Demandez le plus et vous aurez le plus. Un peu d'imagination et un peu de libération. Beaucoup, non. Changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient à changer des choses revient. Patience. Patience. Et mes gardes font bonne latence. Et tes gardes font bonne latence. Patience et mes gardes font bonne latence. Patience et mes gardes font bonne latence. Je vais vomir sur le micro. Je vais vomir sur le micro. Je vais vomir sur le micro. Je vais vomir sur le micro. Je vais vomir sur le micro. Patience. Je vais vomir sur le micro. Patience. Je vais vomir sur le micro. Patience. Je vais vomir sur le micro. Patience. il reste une fois seulement deux, je veux dire qu'il reste trois fois déjà. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi là ? Patience. Pourquoi là, patience ? Patience. Pourquoi là ? Hein ? Patience. Pourquoi qu'elle est là, la patience, d'abord ? Patience. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, d'abord, la patience, là, là, là ? Patience. Là, là, là, là, là, là, pourquoi elle est là, là, là, là, là, patience ? Patience. Patience. Patience. Pourquoi, comme par mégarde, toujours cet interdit ? Toujours cet interdit, absence, qui nous gêne, qui nous gêne, qui nous entrave la route. Alors, je vous le dis. Oui, je vous l'ai dit. Prudence et mégarde font toujours bonne latence aussi. Tant qu'il y a mégarde dans l'affaire, en fait, ça fait latence, c'est cool. C'est ça que j'aime bien avec la patience et la mégarde, c'est que ça fait latence, c'est cool à l'avance, tu sais, ça fait comme la latence, on va dire vraiment vite, l'abcès, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Alors tu crèves l'abcès, et tu crèves l'abcès encore et encore, et tu crèves les abcès parce qu'on est de plus en plus. T'aimes ça de crever l'abcès. Alors tu te dis, c'est bon. Et tu crèves l'abcès de la poésie, c'est parce que c'est pas ce que c'est la poésie, c'est pas ça. La poésie, c'est le rythme dans la peau. On se fait chier et on crève l'abcès toujours plus rien. Et t'as envie de crever. Ouais. La non. Passion débilitante et déblatérante. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, oui, il y a moyen de crever l'abcès purulent de l'absconce, déblatération, d'incandescence, purulatoire. Et le sens n'est pas son, le sens est absconce. Le sens fait latence. Poésie des sons, poésie des lettres. Poésie des sens, tu murmures. Tu murmures. Des sons. Nous murmurons. Vous murmurez. Ils, elles, on, c'est un con, murmure. Son. Oreille. Entendre. Il y a comme un. Son. Et le changement fait tout. Fait tout péter. C'est à ce moment-là que je lui dis, le mec, dans la rue, tu vois, je le vois, tu sais, et je lui dis, tu vois, mec, pourquoi c'est toi ? Pourquoi c'est toi, en fait, qui me parle ? Et pas moi qui te parle, toi, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je me dis, pourquoi c'est toi, pas toi, qui te parle, et moi, tu sais, qui te vois, quoi, qui te parle. Et moi, quand tu me parles et que tu me vois, tu penses à quoi ? Et pourquoi je pense ? Et pourquoi c'est pas moi qui, toi, qui te pense ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi toi tu me penses, toi, quoi, comme moi, alors que moi, toi, je te pense pas. Et que moi, toi, quoi, toi, moi, je veux pas te penser. Et donc, que je pense pas, et que c'est mieux. Et c'est mieux comme ça, c'est plus tranquille dans la tête. Trop bon. Bravo. Trop bon. Eh ouais, voilà, on a. Le whisky. Écoutez, parce que c'est vraiment bien. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien. Il n'y a que de la merde. On va crever dans la merde. Bon, par contre, ça, c'est moins bien parce que c'est un négativiste. Là, je cautionne c'est pas. Le bois. C'est le bois de la matière. Non. Mais en fait, par moments, il a des poussées de génie. Il parle très, très. C'est excellent. C'est autant de la poésie que de la rhétorique ou des effets de style et tout, c'est excellent. Mais alors par contre, ce qu'il faut qu'il change, c'est ce négativisme total sur non, la live. Quoi. C'est pas vrai, non, je suis pas négatif, au contraire, quoi. Je suis très réaliste. Moi, je suis plus d'accord après moi. Je suis surréaliste. T'es là, bo. Attends, vas-y, toi, t'es sous hyper réaliste, je trouve, tu vois. Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, bah tu vois, ouais, ce que je veux dire. Ouais. Et ben moi, je suis pas d'accord. C'est une émission intellectuelle, c'est sur Canal 6, 92.2 MHz. Ouais, ouais. Ça s'appelle Noise, en fait, c'est l'émission la plus... Oh. C'est l'émission la plus de merde, quoi. Non, c'est en fait. On a... Voilà. J'arrive pas à voter. Chacun, on a 4 doctorats et on en est fait, dégoûté des autres. Ouais. Attends, chacun, on est 2 animateurs, on a 4 doctorats chacun. Tradition. Et en fait, on est dégoûté du savoir et on va à l'essentiel. Ouais, on va droit au but. Le but, c'est comme le hut. C'est la première lettre de la gamme, quoi. C'est comme la première lettre de l'alphabet A. Vous voyez ce que je veux dire? De l'alpha à l'oméga, quoi. Et donc le but, c'est ce qu'on recherche, c'est le début en fait. Donc on revient toujours au début en fait, parce que le début c'est la fin, et la fin du fin, je veux dire, la fin du fin, la fin de la fin, la fin du fin, la fin de la fin, ta du fin. Ta fin. Et ben, ah ouais, je me disais bien, ça fait grrr depuis tout à l'heure. Non. Mais ça grésille. Non, mais ta fin. Non, ça grésille. Oui, ça grésille dans mon ventre. Je peux pas avoir faim parce qu'il y a une machine dans mon ventre qui grésille. Elle fait des pointes culminantes de douleur le matin et le soir aussi. Quand j'ai pas mangé le soir, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est étrange et ça me calme. Ça me calme de sentir quelque chose. Et je pensais que t'avais porté plein. De ressentir quelque chose dans mon ventre. Je croyais que t'avais porté plein depuis que... De ressentir quelque chose qui bouge et qui grésille dans mon ventre. Depuis que t'avais tourné dans Matrix, que t'avais fait le doublage, t'avais un truc dans le ventre et du coup, je pensais que t'avais porté plein. Non, Alien, moi c'est Alien que j'ai dans le ventre. Et le monstre va sortir un jour par ma tête et ça va exploser, il y aura du sang partout et sera infecté. Mon sang sera infecté. Mon sang sera infecté et on va tous crever. Vous allez tous crever, moi je serai déjà mort et vous allez mourir, vous entendez? Ce sera votre faute. Alors, s'il y a des enfants qui nous entendent, ce n'est qu'un petit scénario sympathique. C'est sympatoche tout ça. Pour un prochain dessin animé de Disney. C'est à Paris, c'est donc Euro Disney va se faire foutre en clé, bâtard de Paris, de Land, Paris, de merde, chiottes. Très bien, en fait. Hein. Et n'oublions pas d'aller nous faire battre. Ça finit très bien. Elle tombe amoureuse du prince sur la colline. Complètement, voilà. C'est complètement primé par les Oscars, je veux dire. Et c'est complètement nouveau. Neuf et frais. C'est du sang neuf et frais que vous pourrez boire. Pas à flot, c'est pas de l'odorama, c'est du sang au rama. Bon, du sanguinorama ce soir pour vous à Euro Disneyland Paris, vous pouvez avoir 200 tonnes. Avec 200 tonnes. Sud, il y a 200 tonnes. 200 tonnes de sang pur offert aux fondations Libermo Alanus. C'est une fondation d'Aztèques qui sont pourries par la vie et qui et sont un petit peu vampires, mais dans les montagnes aztèques, donc au Pérou. Comme les Incas étaient donc au Mexique. Voilà, nous avons appris la petite Maya, les histoires, et donc toujours les Aztèques, nous revenons sur les peyotes et autres magiciens d'Oz. Oui, c'est beau la vie sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est l'émission Nuisance qui vous aime tant, et on vous aime tellement qu'on va vous frapper avec un gourdin et vous emmener dans notre caverne et vous étriper avec notre bivouac. C'est n'importe quoi cette émission. Et crever toujours l'abcès, c'est inspirateur de cons et cons. Tout à fait. Je ne sais plus. C'est ça qui est bien. Alors attends, j'essaie de le répéter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas récité. Attends. Latéralité. Attends. Toujours de sel. Notre Père, comment on dit. Ah, va te faire. Vas-y, attends. Notre Père qui est aux cieux va te faire foutre. Non, c'est monsieur, vrai. Va te faire enculer. Attends. Va te faire démettre. Ah. Et prends-moi par la nuit. Notre Père qui est aux cieux. Fais-moi plaisir. Que ton nom soit sanctifié. Prends-moi que ton règne vienne. Et encule-moi. Que ta volonté sec, soit faite sur la terre comme au ciel. Avec du gravier de merde et encule-moi. Amen, toujours. J'aime ça quand tu m'encules, mon Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mon Père, pardonne-nous nos offenses, bâtard de merde. Que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Va te faire foutre. Va et que ton règne vienne. Va te faire foutre, mon père. Et que ton règne vienne. Père de merde, va te faire enculer Dieu. Comme au ciel. Va te faire enculer mon Dieu de merde. Va te faire enculer Dieu de merde. Et le maître aussi. Et le maître aussi. On va le prendre par les couilles. On va le prendre par les couilles et par le vagin et par toute la merde qui reste dans leur corps en les étripant par l'anus. Mon père. Notre père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et le maître, que ton maître dans vienne, une boîte, on le pendra dans les couilles d'une boîte crevée. Dans la merde, dans la merde. Crever la merde, c'est ce qu'on veut, crever la merde. Et la merde, c'est des groupes. Les groupes de merde, crever les assez de merde qui puent. Ces enculés de riches qui font que de la merde. Et qui puent tellement, et puent tellement, et puent tellement qu'ils en ont rien à foutre. L'argent, ça pourrit. Tout ça pourrit l'anus. L'argent ça pourrit, tout ça pourrit l'anus. Ça pourrit l'anus, tellement tu te fais enculer par l'argent, ça pourrit, tout ça pourrit l'anus. Jesus, Jesus, Jesus, my God. Oh my God, Miché. Oh my God, Miché. Oh my God, Miché. Oh my God, Miché. Oh yeah. Oh c'est bon, God. Oh oui, God. Oh God, oh God, oh God, oh God, encore, oh oui God, ah oui, oh God, oh God, oh God, allez, oh God, allez, oh God, God, allez, allez, oh oui, God, Miché. God, God, God, vas-y, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, oh oui, God, oh, c'est oui, bon, God, putain, bon, t'as God. Fini, God, t'as fini, God, non, mais t'as fini, God, God, God, God, t'as fini, God, God, c'est bon, t'as fini, God, God. God, God, God, t'as fini? God, arrête. Bon, allez, God, t'arrêtes maintenant. Voilà, c'est ah, tout. Stop, c'est dit, maintenant stop, t'arrêtes. C'est fait maintenant. Hein, stop. On va pas insister. Hein. Mon mais God, franchement, hein. Franchement, t'aurais pu t'arrêter avant. Hein. Oui, t'aurais pu t'arrêter avant, hein. Tu vois, God. Non, mais God, tu m'écoutes? Et God, tu fais chier là! Je suis pas forcément d'accord avec toi. Je suis pas a priori forcément d'accord avec toi, tu sais. Mais ça fait 2000 ans qu'il avait pas pu. Hein. Le pauvre Dieu est mort ce soir. Aux armes, citoyens, crevons tout. C'est la faute à Dieu. C'est la faute à Mathieu. C'est la faute à... à Fred. Ah, tes yeux. Il est quelle heure, là, en fait Eh ben, bah, bientôt, dans 10 minutes, on arrête nos conneries, tant mieux, il n'y aura plus de traces. Hein. Ouais. C'est plus bon, de traces de... De bah de Dieu déjà. Je prends le métro et je vais rentrer après. Ouais, moi aussi je rentre à la maison à pied. J'habite pas loin. C'est bien, ça intéresse tout. Oui, oui ça alors, m'intéresse beaucoup. Ouais. Nous sommes ravis que ça vous intéresse. Alors, pour vite que ça vous intéresse. Je suis tout le monde pour moi. Vie. Tout le monde donc, a enregistré. Je m'aime tellement. Je m'aime tellement que j'aime tellement m'aimer quoi. Je m'aime. Attends, je m'aime tellement que j'aime tellement m'aimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, ça que je disais tout à l'heure. Pour ça, vaut mieux pas s'aimer en fait. Vaut mieux se haïr comme ça. Moi, si tu es te haïr, ça passe. Tu t'arrêtes tu es, de te haïr. Tu es dans la haine tout le temps, c'est ça que tu non, parce que tu haïs, te haïr, donc tu t'arrêtes de haïr après. Bah non. Faut voir avec le temps long et tout. Non, c'est pas en haïssant sans t'arrêter que tu arrêtes de haïr. Mais c'est parce que t'as pas compris, c'est tout. Tu comprendras jamais. Non, la logique surhumaine de la logique non, surhumaine de la logique c'est surhumaine. Ce que tu dis. Parce que moi je parlais c'est d'amour. C'est le miracle de la pensée. Et je te parle c'est à cause de l'inconscient. Bon, c'est à cause de l'inconscient. Ouais. Ben t'aimes haïr, c'est ton problème. Voilà. C'est à cause de l'inconscient, je crois. Si on se passait un peu de musique, peut-être. Hein. Non. C'est une émission. Hein. Aimer haïr. Haïr, haïr, haïr. Haïr, émission sans concession. Aimer. Émission sans concession. Mais. Sans concession. Émission sans concession. Mais et. Émission sans concession. Mais et. Émission sans concession. Aimer. Émission sans concession. Émission sans concession. Qu'est-ce que ça veut dire? Émission sans concession. Émission sans concession. C'est pas moi qui ai compris, c'est toi. D'ailleurs, j'ai fini de comprendre quand j'étais né. On m'a dit voilà, tu sais. Alors moi j'ai dit quoi, tu sais. Et vas-y, tu sais, le mec il me regarde de travers, tu sais. Alors moi je le prends, tu vois, et je l'amuse, tu vois, tu sais ce que je veux dire. Bah, le mec, tu sais, il a pas compris, tu vois, le médecin, tu sais. Alors tu vois, je lui dis, oh mec, tu vas te calmer, tu vas te calmer maintenant. Parce qu'on me dit pas voilà comme ça, tu me refous dedans. Et il me dit, non, c'est pas possible, arrête, tu vas tuer ta mère, ta mère. Et je dis, waouh, fais chier, bordel de merde, j'ai une assurance vie au moins. Parce que si je perds ma vie, comment je fais après? Hein? Tu peux me le dire, toi, connard de médecin de merde? Va te faire enculer. C'est moi le bâtard. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons observé tant de tergiversations et de d'incandescence et de déblatérance également, et d'irraisonnable déraisonnance, que Bitchatq et Purulence sont devenus le leitmotiv même d'une émission incantatoire, donc comme il y fut obnubilé tout à l'heure, dans la pensée réactive socio, vous voyez ce que je veux dire. Et donc n'en parlons pas, le tabou est donc purulent. Nous n'allons pas absconcer déjà le diagrammal, vous voyez ce que je veux dire, qui revient en latence parmi tant d'infatuation avec la fractuosité de la... finalement d'une immatérialisation carrément de l'être, tu vois ce que je veux dire, abscons et matériel, quoi, tu sais, qui va nuire. Non, et désagréger donc l'obstinence. Tu peux préciser vers une permissivité. À ce point, la libération n'est pas que tangentielle, elle est même source latéralité et même à centralité de toute omnibilance. Cette obsession fatale qui permettra au sujet donc de s'absolvera, absoudra donc même son entourage et toute l'éternité. Grâce à cet être, moi-même, le monde entier sera absous de tous ses péchés. Je suis Dieu, je vous absous tous. Ah ouais, je sais, c'est chouette. Ouais. Allez vous faire du shopping, allez dans les boîtes où vous crevez les tympans et vous bourrez la gueule tous. Vous êtes absous de tout au péché, quelle bonne idée! Quelle bonne idée, allons crever tous les enculés! L'émission sans concession! Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Non, j'ai pas tout fait, j'espère. Oh non, je ne suis pas Dieu, j'espère. C'est pas ma faute à moi, tout, je veux dire. Ah, t'as compris, alors. Ça y est. C'est pas toi, Dieu. N'empêche que mon frère, il se prend pour Dieu. Mais je veux pas connaître ta vie, moi. Ce que je veux, c'est vivre avec toi, je t'aime tellement, je t'aime. Oh merde, pardon, excuse-moi, c'était juste pour... C'est pour l'excessivité, tu vois. Tu m'amuses. Je ne te quitterai jamais, t'inquiète. C'est très drôle, il sait déjà que je suis mariée, en plus il fait si je t'aime, et en fait il dit quoi? C'est pas pareil. Moi j'avais trouvé deux autres arguments, mais... Bah vas-y. Je sais pas, je les ai oubliés. Ah mince. Ça c'est ma faute. Ça va être ma faute, encore je suis Dieu moi. C'est... Oui, c'est toi, c'est ta faute. C'est la faute à Dieu, quoi. C'est toujours toi. Voilà, c'est ça, c'est ouais. Al. C'est l'halluciné encore. C'est la faute à l'halluciné. Si le fou était pas là, qu'est-ce qu'on ferait nous, les saints? C'est bien, on n'a plus qu'à en trouver 10 et c'est bon, on est au complet. Les saints d'esprit, je veux dire. Les saints. Saints et le Seigneur, les saints d'esprit. Je sens que l'ambiance est feutrée. Oui. Comme un amalgame. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, peut-être un peu de musique. C'est un conglomérat. Non, un conglomérat d'absurdité. C'est génial, j'adore, c'est moi. C'est beau. C'est peut-être pour ça que c'est un peu mou. Non, c'est peut-être un peu trop dur, justement. Du coup, la mollesse est revenue toujours en tente. Qui nous hante. Un peu de musique, ça serait une bonne idée. Mais c'est pas de la musique, moi, ça. Je travaille demain, tout ça. Faut que j'y aille. Quelle heure? Vous pouvez me dire? Bah, je sais pas. Il est bientôt 23h. Ah, bah, c'est parfait. Il est 11h. Il faut aller prendre le métro. Parfait, parfait. Puisque nous avons bientôt fini, nous pouvons finir. Nous pouvons fermer l'antenne de cette chaîne toujours télévisuelle. Si vous t'entends. Parce que vous avez en live nos gueules, hein, si vous voulez, sur canalsud.com, où nous avons en direct, vous avez nos têtes, vous savez à quoi ensemble. Venez voir la télé. Venez voir la télé-réalité de Canal Sud. Alors vous allez être étonnés parce que actuellement dans le studio, il y a la chorale de 60 chanteurs de gospel qui viennent soutenus par 200 violonistes et 14 850 instruments. Avant et après, tout le temps d'ailleurs. Non, pas après, puis, pas possible. C'est pas 14 092 chefs d'orchestre en mondovision et donc nous vous transmettrons donc cette opéra interstellaire jouée par toutes les planètes du système solaire simultanément et traduit en spatiovision et que vous pouvez écouter actuellement, n'est-ce pas, sur nos ondes qui sont les seules ondes, les autres sont des français. One and only. The only one. Et donc, vous écoutez la vérité. Ça, c'est dit. Il y a une possibilité toujours tendancielle de jeudi, c'est... Oh mon Dieu, on a rien compris ce que je viens de dire, quoi. Non, mais c'est pas possible, je viens pas de me faire comprendre, c'est génial. Ça y est, le but est atteint, on va pouvoir arrêter maintenant. Tu l'as enregistré. J'ai tout enregistré, même les remarques de blatérantes. Super, super, excellent. Très déblatéré. Excellent. Nous avons entendu parmi tant d'autres, donc oui, et également d'autres qui sont... Ouais, et donc voilà quoi, vous êtes parmi nous depuis 21h. Et il est 23h passé. La réaction non tendancielle n'est pas de ce monde, vous avez tout oublié. Et vous êtes enfin dans une obscurité totale. Je m'en félicite. I wish the wishing well was always the chair on the way to fucking your band. Oh, I gotta find it. I've got to find the answer. The answer is everywhere. Everywhere. Let me see what you say. Let me see what you say. I wish it was not the way. It's got to be the answer. Have you found it yet, sir? No, I am on the way too. Oh, we are all on the way. We will find the answer solution anyway. Oh my god, the frogs! The frogs! Ah non, les grenouilles, les crapauds! Les crapauds, les grenouilles, non! Pas ça, non! Pas les grenouilles et les crapauds! Oh non, les crapauds, les grenouilles, merde, putain, pourquoi je suis mort déjà? Non. Le dévorer vivant. Oui, les crapauds et les grenouilles sont vivants. Vivants, vous entendez? Et tout cela et d'autres sur Nuisance, donc sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous avez entre autres 13 secondes pour quitter l'antenne, monsieur. Oui, j'entends, excusez-moi, je vais quitter l'antenne immédiatement. Je vous permets toujours une déblatérance totale et autant d'insanité que vous avez trouvé dans la possibilité. Les mecs, va falloir suivre ma place.